cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Route de la soie de la Chine ancienne à la vallée du Gange en 1920. L'orientaliste Henri Cordier fait paraître une imposante histoire générale de la Chine et de ses relations avec les pays étrangers, depuis les temps les plus anciens jusqu'à la chute de la dynastie Mandchou. Il commence son ouvrage ainsi. Les origines de la nation chinoise ne peuvent être placées dans une antiquité aussi reculée que celle d'autres pays comme la Babylonie, l'Élam, l'Égypte. Mais son histoire offre une continuité, une durée que l'on chercherait vainement dans une autre. Nous étions en 1920, l'empire des Han face à l'empire Kouchan, la route de la soie, les routes de la soie et peut-être aussi un peu les routes de la foi. Éric Trombert, bonjour. Bonjour. Au moment de réfléchir à ce qu'est la Chine sous l'empire des Han, il faut rappeler les bases. Nous sommes à quelle période de l'histoire de la Chine ? C'est-à-dire, vous parlez de la Chine des Han. Oui. Hein. Moi, je veux remonter 3, 4, 5 000 ans en arrière, un peu. Allez-y. Pour dire, puisqu'on va parler de la route de la soie, n'est-ce pas, que avant que la route de la soie, qui sera un phénomène de flux commerciaux est-ouest, hein, il y a eu des milliers d'années pendant lesquelles le flux était ouest-est. C'est-à-dire toutes les grandes innovations techniques et autres dont a bénéficié la Chine venaient de l'ouest, venaient de la plaine russe. La métallurgie, elle vient d'où ? La technique du fer, elle vient d'où ? Elle vient de la plaine russe. Je dis la plaine russe parce que j'ai pas de carte, mais c'est assez vaste, hein. Et puis le fer, c'est ça. Le chameau de Bactriane, il vient de Perse, enfin, mais bien longtemps avant. J'oublie tout ce qui vient de l'ouest, hein. Mais vous avez raison, une route, ça sent printe dans les deux sens. Dans les deux sens. C'est important. Mais à l'époque, avant les Han, si vous voulez, les choses viennent de l'ouest. Le fer, la métallurgie et beaucoup de choses. Le cheval, j'oublie le cheval, hein. Les Chinois montaient pas à cheval, ils avaient des chars avant, hein, etc. Plein de choses viennent de l'ouest, au sens, si vous voulez, plaine russe, parce que pour fixer les esprits vaguement, hein. Et une autre chose vient de l'ouest que j'allais oublier, c'est le blé et l'orge. Parce que les Chinois ne connaissaient que les millet, panique, etc. Hein. Le blé et l'orge viennent de Mésopotamie et de... Et le riz ? De la Perse, etc. J'y viens. Ah, venez-y, hein, au riz. Et ont beaucoup de mal à s'implanter en Chine. Ça met des centaines d'années. On a plein de textes chinois, donc à l'époque où il y a déjà l'écriture, ça qui nous montre que il faut implanter le blé et l'orge. C'est nécessaire. C'est des cultures sèches, je le rappelle. C'est-à-dire nécessaire pour des pays centra-asiatiques secs, hein, si vous voulez. Hein. Bon. Ça met très longtemps à être diffusé, implanté dans l'esprit des paysans chinois. Oui, la riziculture, bon. C'est vrai qu'on ne peut pas la faire en Asie. Le riz ne prend une importance en Chine qu'à partir de l'an 1000 de notre ère, c'est-à-dire après 2000 ans d'histoire, ou je ne sais quoi. Hein, c'est une culture irriguée, etc., et voilà, sous les Song, quoi. C'est-à-dire, c'est la Chine moderne. Sous les Han. Alors, les Han, pour simplifier, ce sont deux siècles avant notre ère, deux siècles après notre ère. C'est 400, 500 ans à peu près. Mmh. C'est vrai, ce n'est pas encore la Chine telle que nous l'imaginons, bien sûr, avec une société, si, une civilisation basée sur la riziculture. Pas du tout. Elle est basée sur le blé, l'orge et le millet. Et c'est une histoire qui est déjà ancienne pour ce territoire-là. Les Han, H-A-A-N, hein, je le dis parce qu'on le prononce avec Han, H-A-N, H-A-M. C'est une longue histoire. Ils sont les héritiers déjà de constitution d'un État avec une unité chinoise qui avait déjà eu cours auparavant. Qui est surtout fabriquée par les générations suivantes. Hein, mais bon, admettons ça si vous voulez. Un peu, ce qu'on appelle la Chine, c'est Zhongguo, le pays du milieu, ou les pays du milieu. C'est un agrégat de principautés qui s'entendent souvent mal ensemble. Je parle de avant les Han, avant l'époque impériale, hein, et qui sont unifiés par Qin Shi Huangdi, mais disons par l'empereur Han, hein, les Han, hein. Mais c'est quand même assez tardif, quoi. Quelle est la spécificité des Han dans l'histoire chinoise? Ils font une unité chinoise? Pourquoi sont-ils considérés comme une période de référence? Parce que ce sont les premiers qui unifient vraiment l'Empire en lui donnant des routes, des chemins avec un tracé de comment les charrettes, vous savez, il faut qu'elles circulent, hein, enfin des tas de normes administratives, etc., qui font que le pays est unifié et dirigé et soumis à une dictature. J'ai le droit d'employer ce mot? Allez-y, Éric, hein, Trombert, vous êtes libre. L'incendie des livres par l'empereur, le premier empereur, le fondateur de l'Empire, Qin Shi Huang, il brûle les livres, hein, n'est-ce pas? Bon, ça nous ramène à d'autres époques. Donc, un carcan bureaucratique, idéologique, qui fait cette unité qu'il aura du mal à maintenir par la suite. Hein, les Han nous intéressent aujourd'hui dans le cours de l'histoire, mais qui sont les Han? Depuis toujours, l'ethnie chinoise majoritaire, celle des Han, était sûre de sa suprématie. En glorifiant la grande famille chinoise, c'est elle-même qu'elle encensait. Aux Han, les grandes inventions de la civilisation chinoise, la noblesse et la spécificité de l'âme chinoise, Han et Chine étaient virtuellement synonymes. Le berceau de cette Chine Han était situé dans les méandres du fleuve Jaune, dans ces immenses plaines à céréales où l'agriculture a prospéré depuis des siècles. Les Han, au cours de l'histoire, ont repoussé les barbares en zone de montagne vers le sud-ouest du pays. C'est là que se sont réfugiées les minorités assiégées, dans un environnement beaucoup plus enclavé, inhospitalier et moins propice aux cultures. Plus loin encore vers l'ouest, et plus extrême, les hauts plateaux et le massif himalayen du Tibet. Et les steppes, plus ou moins désertiques du Xinjiang vers l'Asie centrale. En 1999, dans l'émission Géopolis sur France 2, la Chine des Han et les autres plus loin encore vers l'ouest est évoquée dans cette archive. Mais qu'y a-t-il plus loin encore vers l'ouest? Michel Angot, bonjour. Bonjour. Nous réfléchissons à ce qui se passe en Asie, on va dire au tournant des premiers siècles avant Jésus-Christ, premier siècle après Jésus-Christ et ensuite. Bien sûr, nous focalisons sur la Chine. Parce que la Chine, c'est le sujet cette semaine dans le cours de l'histoire. Mais la Chine n'est pas seule, la Chine et ceux qui l'entourent. La composante est essentielle pour comprendre l'histoire même de la Chine. Oui, les couchants ne se définissent pas comme étant ceux qui entourent la Chine. Ils se définissent par eux-mêmes, ils n'ont pas besoin des Chinois pour exister. Et tout ce monde de l'Asie centrale, pour ce monde de l'Asie centrale, la Chine est un ennemi, un ami, comme parmi d'autres. Hein, voilà. Et j'écoutais mon collègue parler de la naissance de l'Empire chinois. L'Empire couchant, on peut en parler déjà en remarquant que personne ne le revendique aujourd'hui. La Chine. Pourquoi parle-t-on de la Chine? Parce qu'il y a une Chine d'aujourd'hui. tandis qu'il n'y a pas de Kushani aujourd'hui, si bien que les Kushans n'intéressent personne. Pourquoi ça n'intéresse personne? Parce que tout simplement leur empire, qui était aussi important que l'empire des Han, de l'époque, leur empire n'a pas donné de fils à l'époque moderne. Il n'y a pas un État, il n'y a pas une population qui revendique les Kushans, si bien que ça n'intéresse aucun État de la région, et ça n'intéresse parmi le monde érudit, ça intéresse quelques savants, mais ça n'apparaît pas dans les manuels. Les Kushans, tout le monde s'en fiche à cause de ça. Vous voyez, on veut être indien, on veut être iranien, on veut être afghan, pachtoun, mais on ne veut pas être Kushan. Donc personne ne regarde, dans le grand public du moins, ne regarde les Kushans. Et pourtant, ces Kushans sont vraiment très intéressants à étudier. Ah ben, ils sont passionnants, mais je vous rassure, Michel Angot, ils nous intéressent aujourd'hui parce que il faut rappeler l'ampleur de cet empire Kushan. C'est immense. C'est immense. C'est immense au temps de Kanishka. Voilà un nom qu'on peut retenir. Il y en a deux noms que je vais vous proposer à retenir. Au temps de Kanishka, donc au temps de la plus grande extension de cet empire, au temps de sa splendeur, disons, l'empire Kushan a la forme d'une grande écharpe. D'une grande écharpe qui, du Bengale en passant par toute la plaine indo-gangétique, le Pakistan actuel, l'Afghanistan actuel, l'Ouzbékistan, s'en irait jusqu'au bassin du Tarim. Vous voyez, donc une énorme écharpe à l'ouest et au sud et au nord du plateau tibétain. Voilà. Aujourd'hui, j'ai compté, il y a 8 États qui occupent les territoires qui étaient celui de Kanishka. 8 nationalismes différents, dont aucun ne se réclame des Kushans. Donc un empire, vous voyez, multiethnique, multireligieux, multi. Et contemporain de l'Empire romain, pour simplifier. Tout à fait. L'Empire Kushan se définit comme étant une sorte de trait d'union. Ils ne veulent pas, contrairement aux Chinois, voyez, avoir des limites. C'est pas un empire qui règne par la force. C'est un empire qui est le fruit de la conquête. Mais en même temps, c'est un empire qui établit des conditions de la paix. La paix qui permet la circulation et qui met en relation, parce que regardez où ça se situe, vous voyez, à l'est il y a les Chinois, à l'ouest proche il y a les Perses, le monde iranien, à l'ouest un peu plus lointain il y a le monde romain, à l'est, au sud-est il y a le monde indien, et il y a un empereur Kushan qui a réussi à, sur ses monnaies dans ses inscriptions, à se définir comme étant fils du ciel, vous voyez d'où ça vient, fils du ciel, à se définir comme roi des rois, alors ça c'est iranien, comme également fils de Dieu, ça c'est sanskrit, et puis par ailleurs il se définit comme étant César, vous voyez, parce que tout simplement il est en relation avec tous ces mondes, et il établit les conditions d'une circulation monétaire, artistique, etc. On a retrouvé à Bégram, au début du XXe siècle, une maison, une sorte de magasin d'antiquité. Et dans ce magasin d'antiquité, donc Bégram, c'est à côté de Kaboul, au nord de Kaboul, dans ce magasin d'antiquité, vous trouvez des lacs chinoises, des ivoires indiens, des produits venus du monde romain. C'est là que convergent toutes les grandes civilisations, et on le doit aux Kushans. L'Afghanistan, un carrefour. Tout à fait. L'Afghanistan, un carrefour de 750 000 km² au cœur des nations asiatiques. Après avoir été la route de tous les conquérants de Darius à Gengis Khan et le passage séculaire des caravanes de la route de la soie, l'Afghanistan a vécu replié sur lui-même jusqu'à l'indépendance. Il est resté le pays des nomades qui élèvent ses moutons de race Karakul dont les agneaux fournissent le Breitschwanz et l'Astrakhan. Bâti au pied même du massif de l'Hindou Kush, Istalif est la ville des potiers. Utilisant pour l'émail de leur poterie le lapis-lazuli, cette pierre d'un bleu magnifique qui est la richesse du Badakhshan, ces artisans réputés sont restés fidèles depuis des siècles aux vieux fours verticaux. Les motifs décoratifs sont multiples, Tant d'influences se sont mêlées en Afghanistan. Tant d'influences en Afghanistan, le fait. Journal des actualités françaises en 1965. Parmi toutes ces influences, évidemment, il y a la Chine, Éric Trombert. Pour les Chinois du temps des Han, est-ce que l'Empire couchant est une préoccupation, un ennemi potentiel ou alors plutôt un partenaire pour le commerce? Je ne crois pas que les Chinois avaient une idée très nette de ce qu'était l'Empire couchant. C'est réciproque, oui. Et c'est réciproque, oui, oui, bien entendu. Je voulais faire un point par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez que l'empereur couchant, c'est le fils du ciel, là, quelque chose comme ça. Oui, oui. On dit comment ça en indien? Deva Raja. Attendez, je ne veux pas dire de bêtises, alors je regarderai, mais c'est en sanskrit, c'est pas exactement en indien. Oui. Deva quelque chose, Deva Putra ou quelque chose comme ça. Voilà, parce que c'est-à-dire que ce n'est pas une référence, à mon avis, à fils du ciel de la Chine. Hein. C'est une expression indienne. Un peu comme Maharaja. Non, ça. Il est, vous voyez, quand il se dit roi des rois, bien sûr, c'est dit dans une langue indienne, parce qu'il est obligé d'utiliser une langue indienne comme idiome. Mais, c'est comme César, c'est comme roi des rois. On peut dire ceci en sanskrit, mais jamais un roi en sanskrit ne se dira fils du ciel, jamais. On peut le dire grammaticalement, c'est possible, mais ce n'est historiquement pas possible. Oui. C'est forcément, ça c'est une traduction, ça vient d'ailleurs. Et cet ailleurs, bah, c'est pas l'ailleurs iranien, c'est pas l'ailleurs indien, même si on recourt à une langue indienne pour le dire. Ils sont en relation avec les Han. Les empereurs Kushan ont demandé, en vain d'ailleurs, à épouser une princesse Han. Les Han leur ont refusé. Donc ils se connaissent, ils se sont affrontés, ils ont été alliés militairement. Les Kushan? Oui, tout à fait. Ils disent que les Chinois leur ont refusé. Oui. Vous trouvez, Éric Trombert, spécialiste des manuscrits chinois médiévaux que vous êtes, des références à ces territoires. Alors, vous nous l'avez bien dit, sans vraiment définition précise. Mais l'Empire couchant est immense parce que c'est tout l'Inde et nous remontons l'Afghanistan et nous arrivons dans l'ouest de la Chine. Il y a de nombreuses références à cet empire? Oui, il y en a beaucoup, surtout d'un point de vue archéologique, plus des récits de voyage, c'est rare. Pour ce monde-là, moi je voudrais faire une différence entre ce qui est à l'ouest des Pamirs et à l'est des Pamirs, des Pamirs de la chaîne de montagnes, etc. Parce que la partie est, c'est ce qui occupe actuellement principalement la grande province du Xinjiang. Xinjiang, c'est la nouvelle frontière, c'est la moitié de la Chine actuelle. Si vous considérez la Chine comme un gros ventre comme ça, si vous la coupez par le milieu, depuis Lanzhou qui est à 1000 km seulement à l'ouest de Pékin, on est dans la grande plaine de Chine du Nord, c'est ça la Chine. Et au-delà, pendant 2500 kilomètres, beaucoup plus, avant d'arriver à la frontière de l'Afghanistan, on est dans les contrées d'Occident. Les Chinois n'avaient même pas de nom pour les désigner, ils appelaient ça Siyu, les contrées d'Occident, les pays d'Occident, si vous voulez. Et il y a la notion de frontière, vous venez de l'évoquer, Xinjiang, c'est la nouvelle frontière. Oui, mais ça c'est au XVIIIe siècle. Exactement, ça ne veut rien dire, une frontière pour ces temps-là. Ça ne veut rien dire, c'est comme une nouvelle frontière quand on parle de certains organes de voyage. De voyage, c'est ça. C'est moderne. Il faut bien le souligner, pour l'Empire couchant c'est la même chose. Tout à fait, la notion de frontière, disons... 1648 à peu près, et certains vont jusqu'au traité de Campo Formio de 1797, ça c'est là que serait née l'idée de la frontière linéaire, où il y a une ligne au-delà, en deçà, deux pays. Tandis que là, on est dans des zones où on passe petit à petit d'une référence, par exemple Kushan, à une référence, par exemple Han ou autre, avec à un certain niveau, on rend hommage aux uns, on rend hommage aux autres, on paye un petit peu d'impôts aux uns, un petit peu peu d'impôts aux autres. On passe d'une zone à une autre. C'est ça la frontière. Sous les rânes, il y a les prémices de la Grande Muraille de Chine. Mais là aussi, nous ne sommes pas dans une notion de frontière, même si nous appliquons nos représentations. Nous sommes sur une ligne défensive, mais pas une notion de frontière. La Chine s'arrêterait ici. Exact. Oui, tout à fait. Exactement. Oui. Et entre ces deux empires, ces deux entités, sommes-nous dans une confrontation parce que les Chinois vont avoir bien du mal à aller vers l'Est, c'est la mer, donc ils vont plutôt aller vers l'Ouest. Confrontation entre l'Empire couchant et puis la Chine des Han. Un petit peu, mais guerre. C'est pas dans la direction de l'Empire des Han que les Kushan ont essayé de se développer. Ils sont allés du côté de ce qui est devenu l'Inde. C'est par là. Vous voyez, ils viennent du bassin du Tarim et lentement ils font le tour. Ils font le tour de ce plateau dont parlait M. Trompère et ils en font. Vous voyez, ils descendent les cols du Mont Sulaiman par Khyber. Khyber n'est pas encore créé, mais un petit peu plus au sud. Et ils vont s'établir au Gandhara. Le Gandhara a une importance capitale parce que c'est l'endroit où, de toute façon, les armées de cavaliers, parce que ce sont des cavaliers des steppes, ce ne sont pas des sédentaires, ce sont des nomades lents peut-être, mais des nomades, des guerriers, et ils ont besoin de faire paître leurs chevaux. Or, quand les plaines, le plateau d'Afghanistan, le plateau irano-afghan, c'est sec. Quand il y a de quoi nourrir les chevaux, ce n'est jamais en abondance. Le Gandhara, c'est l'endroit où, quand vous descendez du plateau afghan, ou quand vous allez conquérir, donc quand vous venez des Indes, c'est l'endroit où vous allez trouver en abondance de l'herbe verte. Donc c'est un point capital, c'est une halte nécessaire pour les peuples de cavaliers. Leurs habits aux couchants, ce sont des habits qu'ils ont conservés très très longtemps et même qu'ils ont transmis par l'intermédiaire des représentations monétaires, qu'ils ont transmis à leurs successeurs, les Guptas. Eh bien, les Guptas continuent à apparaître, au moins dans les vêtements des steppes, tout à fait inadapté au climat de l'Inde. Vous savez, à Peshawar, en été, il y a 45 degrés. Alors vous devinez que c'est lourd, manteau, etc. C'est pas du tout adapté. Mais les couchants ont voulu, sont restés fidèles très longtemps à leur coutume vestimentaire, ne se sont pas fondus. Vous voyez, sur le plan culturel, ils sont restés plus ou moins eux-mêmes, ou du moins ils ont voulu rester eux-mêmes, tout en frayant avec les populations locales. Michel Angot, vous êtes spécialiste de l'histoire des Indes, vous enseignez à l'École des hautes études en sciences sociales, vous êtes l'auteur des Mythes des Indes, publié aux éditions du Seuil, et de l'histoire des Indes aux belles lettres. Ce pluriel est essentiel, les Indes, mais la notion même d'Inde, vous voyez, comme nous l'avons en tête, comme un pays délimité, parce que c'est important, par l'Himalaya, ça n'a pas de sens là non plus, parce que pour l'Empire couchant, c'est un ensemble. Tout à fait. Alors, si vous voulez qu'on regarde un petit peu le mot Inde, le mot Inde vient d'une langue locale d'une peuplade qui est aujourd'hui au Pakistan et qui nomme un fleuve, celui que nous avons baptisé l'Indus. Le mot est repris par les Perses, parce qu'il est repris par les Perses, il est repris par les Grecs, et parce que lorsque ensuite le mouvement inverse, les musulmans arrivent dans ces pays-là, ils vont nommer ce pays-là par le fleuve qui marque une sorte de limite, celui qu'avait atteint Alexandre, qui ne connaît pas évidemment l'Indus, lui, il y est allé en tant que rivière, mais pas sous ce nom. Donc le mot hindou, c'est un mot fondamentalement perse, c'est les Perses qui désignent les autres là, et c'est les autres d'au-delà de ce fleuve, et un au-delà indéfini qui a été repris ensuite par les nationalistes au XXe siècle. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, personne en Inde n'est indien ou hindou. Ce sont des mots qui fleurent bon le colonialisme. Et c'est la raison pour laquelle le créateur du Pakistan Jinnah a refusé le mot India. Il a eu la possibilité d'adopter pour le Pakistan le nom India. Il a refusé parce qu'il trouvait que India, ça sentait le colonialisme. Nehru est plus malin, a bien compris que il allait récupérer le mot India, et il a monopolisé grâce à cela l'histoire des Indes, tandis que le Pakistan a été obligé d'avoir une histoire qui commence en l'an zéro, c'est-à-dire 1947. Le Pakistan, pourtant, c'est le Gandhara que vous évoquiez, Michel Angot. Cette région majeure pour l'histoire, bien oui. sûr, et pour ces cavaliers qui avaient besoin d'un peu de fraîcheur pour leurs chevaux. L'empire couchant qui s'étend des Indes jusqu'en Afghanistan et bien au-delà encore, et ce trait d'union entre l'Empire romain, oui. le monde perse et le monde chinois. Mais que savaient les Chinois de leurs voisins? À l'est de l'ancien Luntai se trouvent le Jizi et le Kuli, qui sont tous deux aussi des états anciens. Les terres sont vastes et riches en eau et en végétation. Il s'y trouve de vastes surfaces de champs irrigués. La région jouit d'un climat tempéré. Les sols sont d'excellente qualité. Il est possible d'accroître le réseau d'irrigation pour la culture des cinq grains, lesquels mûrissent au même moment qu'en Chine du Nord. Les pays environnants utilisent peu la monnaie métallique, mais comme ils attachent de la valeur à l'or et aux soieries, il est possible d'obtenir d'eux en échange du grain en suffisance pour satisfaire nos besoins alimentaires. Mario Malenfant dans Le cours de l'histoire qui disait cet extrait du livre des Han. Alors, ce livre des Han, Éric Trombert, là nous sommes vraiment au 1er-2e siècle après Jésus-Christ. Il y a l'évocation d'échanges avec ses voisins de l'Est. C'est très important aussi, tous ces échanges, mais pour l'agriculture, de vraies routes commerciales existent depuis très longtemps. Vous nous l'avez dit en début d'émission, elles se développent sous les Han. Oui, mais elles changent de sens. C'est-à-dire que celles dont j'ai parlé à l'époque préhistorique, elles vont principalement les innovations techniques de l'Ouest vers l'Est, hein, au bénéfice des Chinois, en somme, puisqu'ils bénéficient de toutes les avancées technologiques dont j'ai parlé, la culture céréalière sèche, blé millet et métallurgie et tout ça. Mais à l'époque des Han, c'est-à-dire à partir de 120 avant notre ère, quand les Han franchissent le fleuve jaune pour aller vers l'ouest, hein, mais à 2000 kilomètres de ce qui sera plus tard leur frontière de l'Afghanistan, hein, donc. Ils vont dépenser des quantités de leur budget de l'État pour financer les guerres de conquête pour aller jusqu'à, je dis la frontière d'Afghanistan, parce qu'on a, enfin jusqu'aux limites actuelles de la République populaire de Chine. Hey. Hein. Ce sont des routes extrêmement structurées, d'ailleurs vous nous l'avez dit, de façon à rendre efficace ce commerce. Oui, à rendre efficace ce commerce, parce que le but était surtout de quoi entretenir leurs troupes d'occupation dans ces régions. Il faut quand même qu'on définisse ces régions. Hein, qui constitue à peu près la moitié de la Chine occidentale, hein, et qui sont la nouvelle frontière, la province du Xinjiang dont j'ai parlé, qui sont la Mongolie intérieure, qui sont les 9/10 de la province du Qinghai, et qui sont, j'allais oublier, le Tibet. Bon, ces provinces, hein, qui font un énorme, presque la moitié du territoire chinois, sont des territoires qui ne sont pas chinois ethniquement, culturellement et linguistiquement. Hein. Et pour s'implanter là, les Chinois ont passé 1000 ans, depuis l'an 120 avant notre ère, quand l'empereur Han Wudi franchit le fleuve pour aller s'installer, pour installer des colonies militaires. Vous n'avez pas un passage sur les colonies ? Nous n'avons peut-être pas de passage sur les colonies, mais vous allez nous en parler, Éric Trombert. Oui, c'est-à-dire d'installer un système de colonies militaires qui s'appelle Truntian en chinois, c'est-à-dire ce sont des colonies militaires agricoles. Parce qu'occuper tous ces points de cet immense plateau de l'Asie centrale coûte très cher. Mmh. Et le pouvoir chinois a dans l'idée de financer ses dépenses par une occupation agricole, c'est-à-dire d'autofinancer. Il voudrait que ces colonies militaires soient autosuffisantes. Et ça va être la grande innovation du premier ministre ou du grand secrétaire de Han Wudi, c'est de dire que on va installer là des soldats agriculteurs. Tout soldat chinois est agriculteur, n'est-ce pas, à l'époque, hein. Donc, voilà. Puis ensuite, on fera venir leur famille, et puis peu à peu, on va coloniser ces terres. Des micro-colonies, quoi, qui sont organisées ainsi. Dans le même temps, dans l'Empire couchant, nous avons un monde multiculturel, revendiqué comme multiculturel, mais qui ne va même pas revendiquer. C'est une évidence, c'est ainsi. Tout à fait, tout à fait. On le voit d'un point de vue religieux, on le voit d'un point de vue linguistique. On est dans une sorte de melting pot du point de vue ethnique, de melting pot du point de vue religieux. Les religions, d'ailleurs, ne s'opposent pas, vous voyez, comme c'est le cas pour nous. Si vous êtes catholique, vous n'êtes pas protestant. Si vous êtes protestant, vous n'êtes pas juif. Chez nous, la guerre de religion est possible. Et non seulement elle est possible, mais elle a bien existé. Chez eux, non. Dans l'Empire couchant et dans l'Empire, dans les royaumes indiens, il ne viendrait à l'esprit de personne d'aller égorger son voisin parce qu'il n'est pas de la même religion. D'ailleurs, ils sont polythéistes, donc le fait de vénérer Vishnu n'empêche pas de vénérer Shiva. Le fait d'être bouddhiste, d'ailleurs, il y a une inscription une dédication de stupa, c'est justement dans le Gandhara. Je vous passe les noms. Donc on dédie le stupa. On va acquérir des mérites et en même temps on parle des dieux. Alors bien entendu, vous trouvez le Bouddha, etc. Mais vous trouvez aussi, rédigé donc par un moine, vous trouvez aussi mentionné les dieux hindous, Brahma, Indra, nommé autrement. Ça, il n'y a pas d'exclusivisme religieux. Le fait d'être un dévot de Shiva ne vous empêche pas d'être par ailleurs, un dévot de Vishnu. Vous pouvez très bien être bouddhiste et avoir besoin des brahmanes pour des cérémonies. Par exemple, le fait de donner un nom, nommer quelqu'un, c'est très important. Mais les moines bouddhistes ne connaissent pas de rituel pour cela. En revanche, les brahmanes sont excellents au niveau rituel. Donc, le roi, il va solliciter les uns pour telle chose, d'autres religieux pour telle autre chose. Kanishka, il est certainement Mazdéen, hein, voilà. Il est Mazdéen, le grand souverain couchant. Il est Mazdéen, un Mazdéisme, parce qu'il y en a plusieurs. Il est Mazdéen à Surkotal, mais quand dans son empire indien, il fait aussi du monnayage où on voit Shiva. Vous voyez, donc il est Mazdéen, mais ça, il est Mazdéen en tant que personne, mais il n'est pas Mazdéen en tant que souverain. En tant que souverain, il a la religion de ses sujets. Et ses sujets ayant plusieurs religions, eh bien, il respecte ses religions. Ça, c'est typiquement indien. La seule chose sur laquelle je crois aussi il est important de noter, c'est que cet empire a besoin, comme les Achéménides perses, il a besoin d'une langue. d'une langue commune, d'une langue par laquelle on va communiquer. Et ils font un choix décisif, un choix un peu sacrilège, parce que le sanskrit jusqu'à présent était une langue, disons, liturgique, une langue de religion, une langue de l'esprit. Voilà, ça devient avec les Kushans une langue politique. Une langue, parce que c'est la seule langue grammatisée. Hein. Panini a vécu peut-être au 4e, peut-être au 6e, on pense plutôt au 4e siècle avant Jésus-Christ. Le sanskrit est la langue des brahmanes, c'est pas la langue d'un peuple. Hein. Il n'y a pas de sanskritolande, hein. C'est seulement la langue des brahmanes, des érudits brahmanes, qui naturellement travaillent pour les souverains. Et ils ont la possibilité, parce que cette langue est grammatisée, qu'elle soit enseignée. Elle va devenir une langue politique. Elle va sortir. Je vous dis, c'est sacrilège. Hein. C'est comme si on utilisait l'hébreu de la Bible pour faire un discours politique. Mais ça y est, c'est fait. C'est les inscriptions vont dorénavant inscriptions politiques. C'est poétique, mais c'est en même temps politique. Vont être en sanskrit. Le sanskrit va devenir cette grande langue internationale, et on le doit aux Kushans qui ont adopté le sanskrit comme les Perses achéménides avaient adopté l'araméen. Voilà, vous voyez. Donc, grande importance. Et importance de la langue, c'est vrai, pour unifier, mais nous l'entendons bien dans ce grand empire Kushan. Il n'y a pas d'unification. Il y a la volonté que ça communique. Voilà, effectivement. Parce que vous le dites bien, et ne serait-ce que pour la religion, il est possible d'être mazdéen, donc petit clin d'œil au monde perse, leur région centrale, c'est la Bactriane. L'Afghanistan, pour le dire avec des mots d'aujourd'hui. J'aime pas les mots d'aujourd'hui. Les mots d'aujourd'hui font référence à des idées d'aujourd'hui. Vous avez raison, mais c'est vrai que c'est pour créer une carte mentale. Mais dans cette histoire-là, nous évoquons des religions et il faut bien sûr faire une place au bouddhisme. Oui. Deuxième phase des recherches de René Grousset, le rayonnement et la pénétration du bouddhisme à partir du nord-est de l'Inde jusqu'en Extrême-Orient. Provenant de l'Inde du Nord, ce couple d'adorateurs de 10 cm de haut remonte au début de l'ère chrétienne. À la suite de l'interpénétration des peuples consécutifs aux expéditions d'Alexandre le Grand, apparaissent des visages de Bouddhas de ce style hybride appelé gréco-bouddhique, et que voici à l'état pur, puis fortement teinté d'influence indienne. Le style Gupta résume enfin un type physique idéal auquel, après plusieurs siècles de travail, sont parvenus les sculpteurs. Mais c'est en Chine que l'art bouddhique s'est trouvé le plus amalgamé, digéré, recréé. Ainsi, le style Wei, auquel appartient ce petit autel de bronze doré, comme ce Bouddha de grès de la fin du 5e siècle. Douceur des gestes, harmonie des formes. Douceur des gestes, harmonie des formes en 1954. Il est question de cette expansion du bouddhisme, la découverte de l'Asie au musée Cernucci. Dans cette évocation, nous avons ici l'idée de carrefour, une fois encore. Pour les routes de la soie, nous savons combien la question est complexe. Les routes de la soie, des routes de commerce, nous les avons évoquées. Qu'en est-il du bouddhisme? Alors déjà, première question, Michel Angot, le bouddhisme apparaît où et quand? Bien, il apparaît à partir de la vie de celui qui a été nommé Bouddha, c'est-à-dire quelque chose comme clairvoyant. Aujourd'hui, on dit éveillé, mais le mot éveillé est devenu. Il y a toute une série d'éveillés qui aujourd'hui vaut mieux prendre le sens de clairvoyant. Et ce clairvoyant, donc c'est un titre. Ce clairvoyant a vécu probablement un peu avant Panini, peut-être vers le 4e ou le 5e siècle. Il y a des discussions sur les dates. Il y a toujours des discussions sur les dates. Plus ou moins contemporain d'Alexandre le Grand, pour le dire. Plus ou moins. Avant Alexandre le Grand. Mais Alexandre le Grand, c'est daté. 300. Donc, il est mort. C'est juste avant Alexandre le Grand. Donc un siècle avant, à peu près. Mais le bouddhisme se développe dans l'empire Kushan. De quelle manière? En fait, les souverains, notamment, ont un rôle essentiel. Les souverains ont un rôle essentiel, non pas parce qu'ils auraient diffusé le bouddhisme, mais parce qu'ils ont installé pendant environ 2 siècles quelque chose qui ressemblerait à de la paix. Et le bouddhisme est une religion militante, contrairement au brahmanisme. Les brahmanes ne diffusent pas leur religion. Ils ne cherchent pas à amener vers eux d'autres personnes. C'est un devoir des moines d'aller porter la bonne parole. Mais pour aller porter la bonne parole, encore faut-il pouvoir circuler. Et c'est ce qu'a permis la paix kouchane pendant quelques siècles. Donc, pendant ces premiers, deuxième siècles après Jésus-Christ, à partir de la première moitié du premier siècle après Jésus-Christ, on peut circuler dans toute la plaine indo-gangétique, aller sur le plateau afghan, et c'est ce qu'ont fait les moines. Alors, vu d'Inde, on a dit que les Kushans avaient promu le bouddhisme. Mais non, ils n'ont rien promu, ils ont tout simplement laissé faire. Ils ont laissé faire, les religions indiennes se sont diffusées à cause de cela, parce que les moines pouvaient circuler, parce que les hommes pouvaient circuler, parce que des brahmanes même pouvaient circuler, ils amenaient avec eux leurs pratiques religieuses, voilà. Oui. Et pendant ce temps-là, la dynastie Han affermit son pouvoir. L'or, les brocarts et les soieries sont des trésors qui appâtent les pays étrangers et nous rendent maîtres de nos voisins, les Xiongnu et les Qiang. Nous grignotons les richesses de nos ennemis en échangeant avec eux une pièce de soie chinoise contre des marchandises qui valent des monceaux d'or. Mules, ânes et chameaux franchissent les passes en longues caravanes. Alezans et chevaux pommelés viennent remplir nos haras. Marmottes, ziblines, renards, blaireaux, couvertures bariolées et tapis chamarrés s'entassent dans les magasins impériaux. Jade précieux, coraux, cristaux font maintenant partie de nos trésors. Les richesses des pays étrangers affluent chez nous. L'importation des marchandises étrangères nous procure l'abondance et le peuple ne manque de rien puisque les bénéfices ne s'enfuient pas à l'étranger. Marion Malenfant qui nous lisait alors ces mots du grand secrétaire d'un empereur Han, c'est Han Mudi, nous sommes en 81 avant Jésus-Christ. Dans ce texte, nous sentons qu'il y a cette expansion vers l'ouest. Eh ben, écoutez, ça tombe bien, Éric Trombert, parce que vous avez écrit « Le glaive et la charrue, soldats et paysans chinois à la conquête de l'ouest ». Mais dans cette conquête... Histoire d'un échec. Alors, vous oubliez le dernier... Mais j'allais y venir. En fait, je voulais faire une ruse, vous faire expliquer. Et puis à dire « Ah, mais vous le sous-titre, c'est histoire d'un échec, pourquoi cet échec ?» Mais avant de comprendre l'échec, il faut comprendre la politique. Dans cette expansion vers l'ouest, il y a cette rencontre avec le bouddhisme. C'est là où le bouddhisme entre en Chine, sous les Han. Oui. Mais par ses contacts avec l'Empire Kushan. Non, par des moines indiens au sens large, hein, qui viennent en Chine, qui créent des monastères, qui commencent à traduire des textes chinois, parce que les Chinois ne connaissent pas les langues de l'Inde, et ils vont les apprendre, et ça va être un processus de plusieurs siècles pour traduire en chinois tous ces sutra vinaya et autres textes bouddhiques. Mais dans ce cheminement, il y a ces routes du commerce, il y a ces routes de la religion, le bouddhisme arrive en Chine sous les Han. Et pourquoi alors, je vous pose la question, Éric Trombert, cet échec de cette politique de coloniser par des petites cellules presque familiales l'ouest de la Chine? Comment l'expliquez-vous? Comment on l'explique? Par le fait qu'ils n'avaient pas la volonté permanente de faire ça. Hein? Il y avait d'une part une tendance des légistes, disons, qui étaient expansionnistes, hein, comme les milieux d'affaires occidentaux au XIXe siècle qui étaient des gens expansionnistes, hein, et des milieux que j'appellerais confucéens qui étaient plutôt tempérés et qui voulaient pas qu'on ruine. Pour eux, pour les Confucéens, c'était une ruine que de vouloir coloniser ces terres. Hein. Et effectivement, c'était très difficile, on n'y arrivait jamais, les armées chinoises étaient toujours battues, et surtout les colonies agricoles n'arrivaient pas à l'autosuffisance. Hein. Pendant 1000 ans, de l'an 120 avant notre ère jusqu'en l'an 780, je donne des dates précises, hein. Les Chinois, les armées chinoises ont essayé de s'implanter là. Elles y arrivaient pendant 20 ans, 50 ans, etc. Et elles étaient chassées. Et elles recommençaient pendant 1000 ans. C'est pour ça que je dis que... Et la soie, qu'est-ce qu'elle fait dans cette histoire ? La soie, elle sert à financer cette politique de dépenses militaires. Hein ? Mais c'est étonnant hein, d'imaginer que cette période Han, qui aujourd'hui est revendiquée en Chine comme une période glorieuse, est une histoire d'un échec. Je reprends le sous-titre de votre ouvrage, Éric Trombert. Tandis que l'Empire couchant, qui a été efficace et qui a duré longtemps, lui, n'a pas laissé cette mémoire-là, comme vous nous l'avez expliqué, Michel Angot, simplement parce que les nationalismes très contemporains ne se sont pas saisis de cette histoire. C'est presque un paradoxe que l'Empire couchant a presque une influence plus grande que, oui, que ce monde Han. Une influence souterraine, une influence qui va au-delà de leur existence. C'est-à-dire que ils ont installé la paix. Cette paix permettait au commerce, aux religions de se diffuser. Ce n'était pas eux qui organisaient. Ils n'avaient pas de volonté impériale. Il y avait plutôt la volonté d'exploiter la paix, mais pas d'organiser. Ce sont des nomades, hein, des nomades des steppes et des cavaliers. Ce ne sont pas des sédentaires. Ce sont des guerriers. Hein, voilà. Donc, ils sont plutôt dans l'expansion militaire, la confrontation avec leurs semblables. Les couchants ont remplacé les sakas. Les sakas, ce sont leurs prédécesseurs, d'autres cavaliers des steppes. Et ils se battront avec d'autres cavaliers des steppes. Et ils seront battus et remplacés par d'autres cavaliers des steppes. Et ça va durer ainsi pendant quelques siècles. Mais pendant deux ou trois siècles, il y a eu une paix relative, succédant à une période de guerre ininterrompue premier siècle avant Jésus-Christ. Toute cette région est dans le conflit et dans la guerre permanente. Et avec les couchants, il y a une relative paix, et cette paix, eh bien, elle crée de la richesse, dont profitent les couchants. Eh bien, merci beaucoup Michel Angot de nous avoir présenté cet empire couchant, Les Mythes des Indes, hein, c'est l'ouvrage que vous publiez au Seuil, ou l'histoire des Indes. Il faut signaler que la référence dans ces matières-là, c'est Gérard Fussmann. Ah, c'est très honnête de votre part. Parce qu'il faut écouter les cours de Gérard Fussmann au Collège de France. France Culture diffuse les cours du Collège de France tous les matins de bonne heure. Merci beaucoup Michel Angot, et merci beaucoup à vous aussi Éric Trombert de nous avoir présenté les Han, leur glaive et leur charrue. C'est l'ouvrage que vous publiez. Merci à tous les deux. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Qu'est-ce que la micro-histoire ? Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le marxisme exerça une forte influence dans le monde intellectuel européen. D'où l'engouement d'une nouvelle génération d'historiens pour l'histoire économique et sociale. Ce courant de recherche commença à s'affaiblir après les événements de mai 68 au profit de nouveaux paradigmes. L'un des plus dynamiques se développa en Italie au cours des années 1970. Des historiens, regroupés autour de la revue Quaderni Storici, se présentèrent comme les promoteurs de la microstoria, terme qui fut repris rapidement dans plusieurs autres langues, dont le français. Ces micro-historiens reprochaient à leurs prédécesseurs marxistes de ne pas tenir suffisamment compte de l'échelle d'observation. Ils critiquaient l'usage qu'ils faisaient des statistiques produites par l'État, parce que celles-ci regroupaient les individus dans des catégories préétablies, laissant dans l'ombre des différences et des spécificités individuelles dont il fallait tenir compte pour comprendre le monde social. En proposant une réduction d'échelle, au niveau des individus ou des groupes de base, comme la famille, la communauté villageoise, le quartier, la micro-histoire a montré la marge de liberté que conservaient les gens ordinaires pour s'adapter et s'émanciper des multiples contraintes qui pèsent sur eux. Ce qui était perçu auparavant comme des détails non significatifs fut alors valorisé, car en suivant le fil du destin particulier d'un individu, on pouvait éclairer les caractéristiques du monde qui l'entoure. Cette perspective fut résumée par la fameuse formule sur l'exceptionnel normal proposée par Eduardo Grandi, l'un des pionniers de la microstoria. Il faut toutefois rappeler que les termes qui désignent des courants de recherche en histoire fonctionnent surtout comme des labels pour nommer des travaux qui ont un air de famille. Ce qui explique qu'au sein même du petit monde des micro-historiens, des différences d'approche soient très vite apparues. En me limitant ici au cas italien, je mentionnerai les deux grandes tendances qui ont émergé au fil du temps. La première, qu'on peut appeler la micro-histoire sociale parce qu'elle est restée proche de la sociologie, a été incarnée par l'historien Giovanni Levi, auteur du célèbre ouvrage intitulé en français « Le pouvoir au village, histoire d'un exorciste dans le Piémont au XVIIe siècle », précédé d'une préface de Jacques Revel ayant pour titre « L'histoire au ras du sol ». Dans cette étude, l'auteur parvient à restituer la cohérence d'un univers restreint, au sein duquel, en apparence, il ne se passe rien, en faisant varier les angles de vue et les échelles d'observation. La seconde tendance, qu'on peut appeler la micro-histoire culturelle, a été incarnée par Carlo Ginzburg, auteur d'une étude pionnière sur l'histoire d'un meunier frioulant au XVIe siècle. Il a résumé son approche en parlant du paradigme de l'indice, pour expliquer que la spécificité du travail de l'historien tenait au fait qu'il cherche et interprète des indices un peu à la manière du policier chargé d'une enquête criminelle. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique d'Ali Yara, une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Vudès, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou, Valentine Lovrens, émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.